I need. Bonjour à tous et à vous toutes, il est 13h34 minutes. Bienvenue à l'écoute d'Arc-en-Ciel. Si vous prenez l'écoute, nous sommes ensemble toute l'après-midi avec les chansons de variété de toutes les générations. Voilà, aussi, j'espère que vous avez passé une bonne matinée avec Lorenzo entre 9h jusqu'à midi et que vous allez bien sûr le retrouver bien la semaine prochaine. Voilà donc, eh bien, je vous souhaite de passer une bonne fin, bon après-midi à ma compagnie. Donc voici, donc on va commencer bien sûr les chansons avec France Gall, Débranche. Suivi de Michel Thor. Le voiture dans mon bar, comme des bébés.

Alexandrie. Alexandrie où l'amour danse avec la nuit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Je boirai tout le Nil si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, où l'amour danse au fond des bras. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Je suis dans tes draps. Oui. Alexandra, Alexandrie, Alexandrie, où tout commence et tout finit. J'ai plus d'appétit qu'un barracuda. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Alexandrie, Alexandrie, Alexandra, Alexandrie, ce soir je danse dans tes draps. Je te mangerai cru si tu ne me retiens pas. Ce soir j'ai de la fièvre et toi tu meurs de froid. Ce soir je danse, je danse, je danse dans tes bras. Danse, je dois m'en aller, je n'ai plus qu'à jeter mes clés, car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique, j'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique. Toutes les sirènes de bateaux vont chanter sans trop la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Mes amis, je vous dis adieu, je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je sais pas quand, consulter et broyer d'argent, ou sirènes de bateaux vont chanter sans moi la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je m'en vais. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un... Arc-en-ciel. Voici quelques chansons portugaises et puis on se retrouve juste après Christophe Maé. Dançar com fofa, dançar com fofa, que ela dança. Arc-en-ciel. Voici donc, comme promis, voici Christophe Maé. Son titre s'appelle tout simplement C'est ma terre, et puis le groupe Les Avions. Où je m'assois, aïe, aïe, aïe, aïe. Marie-Pierre, le je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. C'est mes frères autour de moi, mes repères. Alors qu'on n'y touche pas, qu'on n'y touche pas. Y a-t-il un cœur qui s'élève pour que tout le monde soit d'accord? Un cœur qui prenne un relève, quelqu'un qui vienne en renfort. C'est ma terre où je m'assois, ma rivière, l'eau que je bois. Qu'on n'y touche pas, c'est mes frères autour de moi. Y'a de la haine dans tous les yeux, y'a des salauds très dangereux et des imbéciles heureux. Je suis mille fois meilleur qu'eux pour soigner tes petits bleus. Tu peux pas te casser, il pleut. Tu peux pas te casser parce que t'as pas le droit, c'est pas du jeu. On avait dit que tous les deux on resterait près du feu. T'aurais pu attendre un peu, j'allais bientôt être vieux. Tu peux pas te casser, il pleut. Je t'aime, vraiment taillader les veines. Et puis d'abord ça suffit, on se casse pas à 6 ans et demi. Allez d'accord, t'as gagné. Je te rallume la télé, mais tu peux pas te casser. Et il pleut, ça va tout mouiller mes yeux. Arc-en-ciel, les meilleurs sons latinos. tout simplement avec Macias, avec que j'ai quitté mon pays. J'ai quitté mon pays, j'ai quitté ma maison, ma vie, ma triste vie se traîne sans raison. J'ai quitté mon soleil, j'ai quitté ma mer bleue, leurs souvenirs se réveillent bien après mon adieu. Soleil, soleil de mon pays perdu, des villes blanches que j'aimais, des filles que j'ai jadis connues. J'ai quitté une amie, je vois encore ses yeux, ses yeux mouillés de pluie, de la pluie, de l'adieu. Je revois son sourire si près de mon visage, il faisait resplendir les soirs de mon village. Mais du bord du bateau qui m'éloignait du quai, une chaîne dans l'eau a claqué comme un fouet. J'ai longtemps regardé ses yeux bleus qui fuyaient, la mer les a noyés dans le flot du regret. Très bonne journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey!

et mes jeunes années. Du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans. Arc-en-ciel. Voici donc les grilles des programmes pour aujourd'hui, ainsi pour demain, tout simplement. Donc, pour la soirée, à partir tout simplement de 19h jusqu'à 21h avec Christophe, l'émission électrique choc. Francky au réveil sur Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Voilà aussi pour demain. On sera donc mercredi. Et puis juste après, à partir de 9h jusqu'à midi avec Portugal Festa, avec Victor. Et puis dans l'après-midi, à partir de 14h, 16h, avec Gloria. Puis juste après, à partir de 18h, 19h30, avec Violette, l'émission, tout simplement, avec Violette. Traditionnelle. Et puis donc, juste après elle, vous allez retrouver entre 19h30 jusqu'à 20h. 21h, pardon, 21h, avec tout simplement Christine. Voilà donc, ben, je vous laisse avec Sébastien Thoron. Le titre s'appelle « Tu cours ». Et puis juste après, Julien Doré. Tu te cherches, tu observes, tu vois ce qu'on ne dit pas, le chemin te traverse, et là juste devant toi, pas de questions, pas de doutes. Tu suis ta route. Tu cours après la vie et le soleil. Pour toi tout s'émerveille. Tu cours, tu jettes ton corps et toute ton âme. Plus de peur, plus de drame. Tu cours après le temps et pas besoin de détresse, plus besoin de SOS. Pas de réflexion, pas d'erreur. Tu suis ton cœur. Tu cours après la vie et le soleil. Pour toi tout s'énerve. À l'intérieur de moi. l'intérieur de moi. Comme le ver dans le fruit, tu es en moi, tu es en moi, tu es en moi. Un petit peu de toi à l'intérieur de moi. À la nuit, tu es en moi, charmer, le mystère est entier. Ai-je bu une fabuleuse potion? Est-ce une illusion? Quel est ton secret? J'ai tout occulté en un tour de passe-passe. Mes valeurs se sont volatilisées. Notre amour est surnaturel, notre relation irréelle. Nous vivons sur notre petit nuage. Tu lis en moi, je suis en ton pouvoir. Les colombes d'amour jaillissent de ton foulard. Tes mains transmettent un courant. Tu es extraordinaire et fascinant. Notre amour est surnaturel, notre relation irréelle. Nous avons créé notre propre rituel, notre danse d'amour sensuel. Plutôt le titre s'appelle Armstrong et c'est tout simplement Claude Nougaro. On se retrouve juste après le portier. Armstrong, je ne suis pas noir, je suis blanc de peau. Quand on veut chanter l'espoir, quel manque de peau. Oui, j'ai beau voir le ciel, l'oiseau, rien, rien, rien de lui là-haut. Les anges, zéro, je suis blanc de peau. Armstrong, tu te fends la poire, on voit toutes tes dents. Moi, je bois plutôt du noir en dedans. Chante pour moi, Louis. Oh oui, chante, chante, chante, ça tient chaud, j'ai froid. Qui suis blanc de peau. Yeah. Oh. Armstrong, la vie, quelle histoire, c'est pas très marrant. Qu'on l'écrive blanc sur noir, ou bien noir sur blanc. On voit surtout du rouge, sans, sans, sans l'avenir faut qu'on soit, ma foi, noir ou blanc de peau. Armstrong, un jour, tôt ou tard, on n'est que des os. Est-ce que l'été tiens seront noirs. Ce serait rigolo. Alléluia, alléluia. Au-delà de nos oripeaux, noir et blanc sont ressemblants comme deux gouttes d'eau. E que pensas em não deixar nada, nem os pequeninos teus e meus. Como mãe tens direito a levá-lo, o pai é quem sofre a maior dor. Mas já que me deixas, ao menos respeita meu último pedido, por favor. Antes de ir embora e de me deixares aqui sozinho, mesmo separados e de fora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Só te peço antes de ir embora e abandonares o meu caminho. É qualquer deixa-me sempre ver os meus filhos. Sei que Deus vais dar um outro mundo e eles vão ter um novo lar. Mas por Deus eu peço-te por tudo, não ponhas ninguém no meu lugar. E à noite quando se deitarem, eles perguntarem por mim, diz que os amo muito e só não estamos juntos porque és tu que já não queres assim. Só te peço antes de ir embora e de me deixares aqui sozinho, mesmo separados e de fora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Só te peço antes de ir embora e abandonares o meu caminho. É qualquer momento, é qualquer hora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Diz embora e de me deixares aqui sozinho, mesmo separados e de fora, deixa-me sempre ver os meus filhos. Só te peço antes de ir embora e abandonares o meu caminho. É qualquer momento, é qualquer hora, ver os meus filhos. Gente boa e de trabalho, que tem hoje a nossa vez e vai tudo de rimbombar. Saber que fazer, ela controla tudo, mas eu amo essa mulher. Sou um prisioneiro, não estou a aguentar. Vai ser esta noite que tudo vai mudar. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Ganha coragem de ver a mensagem. Meu amor, preciso te dizer. A partir de hoje chego às duas, três ou quatro. Já estou farto. Vou alugar um quarto. Vou alugar. tão louco. Ela tem por mim. Cansado chego em casa e são perguntas sem fim. Ela é tão ciumenta, mas nunca tem razão. Tudo o que eu faço precisa explicação. Quando sair do trabalho, vou beber para esquecer. Yeah. peu à ce que je serai. Mon cœur se déchirait, tu sais aussi. Arc-en-ciel. Voici donc Mike Brandt, Laissez-moi tout simplement t'aimer, et Johnny Hallyday juste après. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, veux-tu le faire? passe pour toi. Oh, oh, oh Laura, petit rien du tout, mais tant pour moi. Tous ces conseils qu'on donne, tu ne les entendras pas. J'y dépense tant de force pour des envies en papier, des rêves déjà presque oubliés, mais que le diable les emporte, tout me semble dérisoire, évaporé dans le bleu de ton regard. Oh, oh Laura, à défendre ton bonheur d'amoureux, si tu tiens à entendre les plus tendres aveux, sois celui que l'on aime pour ce qu'il ne dit pas, qui commence un poème mais ne le finit pas. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, n'avoue jamais que tu aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, oh non, jamais, n'avoue jamais que tu l'aimes. N'avoue jamais, jamais, jamais, jamais, jamais, n'avoue jamais que tu l'aimes. Arc-en-ciel. Forever is my life. abandonner. Reste seul sur le quai de la gare. Garde mes rêves en liberté. Et me jeter dans la bagarre. J'ai envie de vous voir heureux. Voir l'étincelle dans vos yeux. Et sans vous me garder le tempo. Et bouger. Et son titre s'appelle Rien que de l'eau. Miraculeux. Hey, Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. C'est aussi ça. Pourquoi le rêve de mes envies, c'est sûr. de temps et tu défies le temps. Voici donc que je vous laisse avec Barry White, et puis juste après Barry White avec Nick Rivers. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home. forma mais sentida de amar como tu e eu. Duas veias são as minhas, que eu pulsar é meu também. Por isso a complicidade, nosso amor e amizade tem a força do além. Temos o que ninguém tem. A mesma alma, o mesmo coração, o mesmo sangue, a mesma vida. Amor de irmã. Nenhum outro amor no mundo se compara com o teu. Não há sentir mais profundo que este sentir teu e meu. As tuas mãos são as minhas, os teus passos meus também. A mesma alma, o mesmo coração, o mesmo sangue, a mesma vida e a mesma comunhão. A mesma alma, a mesma entregação, o mesmo choro, mesmo sorriso, as mesmas noites e manhãs. Isto é amor de irmã. Mãos pra cima, minha doçura. Dança comigo, dança comigo. Mãos pra cima, mamá, eu quero. Franck Miquel avec tout simplement le carnaval de l'amour. Arc-en-ciel. Et puis juste après, on écoutera tout simplement Alexel Deval. Venise, je t'ai dit on part. Adieu les villes grises, on va vivre dès ce soir. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal, ah, jusqu'au petit jour, des chansons velours. Le pont des soupirs, mais un seul je t'aime m'a rendu le sourire. Un carnaval d'amour, oh, la nuit sur le canal, ah, jusqu'au petit jour, les chansons velours. reflète sur la dalle. Ils volent à son tour le pourtour de mes envies. Je profite de toi en parcourant ta pudeur. Je m'agite devant toi en racolant ton bonheur. Ma belle, je t'aime encore. Le jour, la nuit, à la lumière des bougies. Comme mes bras saignent encore. Les murs sont noirs car ils fanent d'ennui. Je profite de toi en parcourant ta pudeur. Et je m'agite devant toi en racolant ton bonheur. Mais que sais-tu de mon bonheur au juste? Le ciel, la terre, tu crois tout avoir, mais tu n'es qu'un homme parmi tant d'autres. Tu penses me regarder, mais c'est moi qui te regarde. Amour, amour. Je profite de toi en parcourant ta pudeur. Je m'agite devant toi en racolant ton beurre. Je profite. Thank you. soleil et tant d'autres merveilles, tu rêvais d'horizon. Mais Léonie, dis-moi que ce n'est pas fini, que ce n'est pas fini. Voilà, donc après, juste après, nous avons Kenza. Voici donc Laurent Engelbert, tout simplement, avec Conférence, moi. Cartelés, vos joies, vos rires m'enchantaient. Avec votre amour, je me grandissais. C'est pour vous que je me battais. Bonheur de douceur, vous m'avez inondé de votre présence. Régalé, mais ces années par procuration, je les vivais dans vos existences. Je m'oubliais, dans vos sourires, je me déniais, dans vos peines, je me diluais. Bien grandi, et ma vie n'est pas finie. Aujourd'hui, vous déployez vos ailes de votre vie. J'en suis ravi. Jamais on va pouvoir tout oublier, And I'm a rich man, you know that, Dr. Ange, and I love you so much. L'amour, c'est que la vie est longue, que le temps est court. Je connais la galère, j'ai vidé la paye. fidèle à tes à six pieds sous terre dans les caves de ma ville. Tellement loin de mon lit, je suis fort et fragile. Entre l'or et l'argile, je fais le tour de la haie, je veux faire le tour de la terre. T'inquiète, je vais tout prendre d'ici, rien n'est offert. Dirigé vers la nuit, un ciel couleur enfer. Un ciel couleur enfer, j'ai rêvé que j'étais riche. Je me réveille, je prends des risques, y'a plus rien qui m'attire, y'a plus rien qui m'attriche. Je veux la vie sur la mer, je veux la vie sur la terre. Je veux la vie sur la terre. Aïe.

a vida é bela. Fotos no geral é Catarina Branco, à hora certa notícias com o Nuno Rodrigues. Eu regresso logo depois para a terceira parte da tarde da RDP Internacional. Hoje é terça-feira, é segunda, terça, é dia de meus direitos com Graça Cabral e Isabel Flor. Hoje vamos falar sobre o quê, Isabel? Começamos este ano 2023 com grandes aumentos no custo de vida. Quais Sim. são as áreas que podemos desde já destacar? Vamos tentar perceber então o que é que subiu nas nossas vidas. Até ao final da hora, os Delfins, um lugar ao sol. Boa tarde, uma boa terça-feira com a sua RDP Internacional. Ainda lhe posso dizer, bom ano novo, bom ano novo. Boa tarde, são 4 horas em Portugal Continental e na Madeira, 3 nos Açores. É esta hora nas notícias. 6 anos de prisão efetiva para um militar da Guarda Nacional Republicana foi condenado por ter agredido imigrantes em Odmira. Cerimónia de abertura do ano judicial, a Procuradora-Geral da República, Lucília Gago, reforça a importância da autonomia do Ministério Público. Nesta edição, seguimos até ao Supremo Tribunal de Justiça. Para amanhã, previsão de chuva, por vezes forte e ocasionalmente acompanhada de trovoadas no Minho e Douro, litoral e nas regiões montanhosas do norte e do centro. Madeira com chuva também na previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, em especial a norte e nas zonas mais altas e mais frequentes a partir da tarde. Já para os Açores, um misto de sol e nuvens com chuva fraca na previsão, mas apenas a partir da noite. Nesta altura, no Porto estão 14 graus, 16 em Lisboa e em Ponta Delgada, 17 em Faro e 20 no Funchal. As notícias às 4. A edição é de Ana Sofia Freitas.